بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر إن شاء الله تعالى في درسنا على هذا الكتاب العظيم، ألا وهو رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب التوبة، إلى باب التوبة. On continue notre explication du livre Riyad al-Salihin l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah, et nous sommes au chapitre concernant At-Tawba, le repentir. Et on avait commencé un hadith assez long la semaine dernière. On va relire le hadith et terminer l'explication bi-idhnillah. Wa'an Zir ibn Hubaysh قال أتيت صفوان ابن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. الحديث long, donc on va traduire partie par partie inshallah. Donc c'est Zir ibn Hubaysh, on avait dit qu'il était un tabi'i, al-Asdi, al-Kufi, qui faisait partie des compagnons de Abdullah ibn Mas'ud et de Ali ibn Abi Talib, qui est mort en 81 de l'Hégire. Il est parti voir Safwan ibn Assal, qui est un compagnon sahabi, radiyallahu anhu, pour lui demander à propos du sujet sur le fait d'essuyer sur les chaussons pendant les ablutions, les chaussons, les chaussettes, les chaussures, ce qu'on porte aux pieds. Alors quand Safwan radiyallahu anhu a vu Zir, il lui a dit: pourquoi es-tu venu ya Zir? Qu'est-ce qui t'amène? Il dit: je viens rechercher la science. Alors Safwan lui rapporte et lui dit: les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en science, par satisfaction de ce quoi il demande, yani la science. Et ça, on avait mentionné les mérites de rechercher la science religieuse. Faqultu إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيء؟ Il a dit, donc Zir, il a dit à Safwan, nos compagnons: il y a quelque chose en moi, dans ma poitrine, qui me gratte, littéralement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me dérange, ou quelque chose que je ne comprends pas, ou je ne suis pas sûr, ou je ne sais pas, je suis hésitant. C'est concernant le fait d'essuyer sur al-khouf, ce qu'on porte aux pieds, après avoir été aux toilettes, akramakumullah, et avoir fait la petite ou la grande commission. Et toi, tu es un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je suis venu pour te demander: as-tu entendu le prophète mentionner quelque chose sur cela? Alors, on a expliqué tout ça déjà la semaine dernière, mais ici il y a quoi, le fait de demander aux gens de science, de demander à ceux qui savent, et d'aller voir les spécialistes, et ne pas aller voir les charlatans et n'importe quoi, appelez-les comme vous voulez, n'importe qui. Allah al-Musta'an. قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول والنوم. Il a dit oui, j'ai entendu quelque chose. Ou plutôt oui, je connais quelque chose sur le sujet. On était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que voyageur. Et il nous a ordonné de ne pas enlever nos khoufs, ni ce qu'on porte aux pieds, pendant 3 jours et 3 nuits, excepté si on est en état de janaba, ni de grande impureté, lorsque le mani est sorti par exemple. Mais si tu vas aux toilettes pour la grande commission, pour uriner, ou le fait d'avoir dormi, après cela, c'est permis d'essuyer sur tes chaussons, tes chaussettes, tes chaussures. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ Donc maintenant Zir, le demandeur en science, il en profite, il est avec un savant. Il est avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se contente pas de juste une question, après il part. Il en profite, il veut emmagasiner le maximum de science. Il est venu que pour la science. Il a dit, est-ce que tu as entendu quelque chose concernant l'amour, l'affection? قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذا ناداه أعرابي بصوت له جهوري عفوا يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند نبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعربي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. Alors le Safwan, le compagnon, il dit oui, j'ai entendu quelque chose. Nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Lorsque un bédouin, ceux qui vivent dans le désert, est venu et a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en haussant la voix, avec une voix haute, forte. Ya Muhammad! Et ceci était un grave manque de comportement. Aucun des compagnons n'appelait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya Rasulallah. Et il baissait la voix. Et il baissait le regard. À tel point que certains compagnons, il est rapporté qu'ils n'ont même jamais vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement qu'ils baissaient le regard par pudeur devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par respect. Et là, le bédouin, il dit Ya Mohammed. Et on a expliqué ça la semaine dernière. On va l'expliquer aujourd'hui, je ne me rappelle plus, mais les gens du désert, les gens à l'extérieur des villes, ils ont un comportement qui est rude. Dû au fait qu'ils vivent dans des conditions rudes, ils ne vivent pas dans les villes où il y a la science, où il y a le comportement, etc. Donc ils ont un comportement différent. Et le prophète le savait, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a répondu de la même manière, en haussant la voix, en élevant la voix. Il lui a dit, viens là, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Il lui a dit, quand on a dit, ha'oum, comme ils ont dit l'ulema, bima'ana yi ta'al. Ta'al, il vient. Alors, Safwan y a dit à cet homme, qu'est-ce qui t'arrive? Baisse ta voix. Quand tu es auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été interdit d'élever la voix. Le bédouin qui est un bédouin, avec sa rudesse. Il dit, par Allah, wallah, je baisse pas ma voix. Alors il lui a dit, le bédouin au prophète, il a dit, la personne, l'individu, elle aime des gens, malgré le fait qu'elle n'arrive pas à œuvrer avec les mêmes œuvres qu'eux. Il est inférieur à eux par rapport aux œuvres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la personne sera au jour de la rédemption avec celle qu'elle a aimée. On va expliquer ça aujourd'hui, Inch'Allah. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوما خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه والحديث رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وصححه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Ensuite, ils nous disent qu'il a continué à discuter avec Safwan, à prendre la science de lui, jusqu'à ce qu'il mentionne, Safwan, il mentionne une porte en direction de l'ouest. Sa largeur est équivalente à 40 ou 70 années de marche. Ici, il y a un doute de celui qui rapporte le hadith. Est-ce que c'est 40 ou 70? Quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'elle est très large. Et un des rapporteurs, Sofiane, mentionne que cette porte se trouve en direction du Sham, c'est-à-dire la Syrie, Palestine, Jordanie, Liban. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette porte le jour où il a créé les cieux et la terre. Elle est ouverte pourquoi ? Pour le repentir. Elle ne se fermera pas tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Et en fait, pourquoi ici l'auteur al-Nawawi, al-Hafiz al-Nawawi mentionne le hadith pour la fin du hadith. Tout le début, il n'a pas de rapport avec le chapitre. Mais al-Hafiz al-Nawawi a voulu mentionner le hadith dans sa totalité pour qu'on profite de tous les enseignements. Tayyib, le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Sheikh al-Albani l'a jugé bon. Donc on a déjà commencé à l'expliquer la semaine dernière. Ceux qui veulent, ils retournent à l'audio de la semaine dernière et on va continuer l'explication. Et on s'était arrêté au niveau du fait de passer sur les chaussettes. Et que ça faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait même dit que certains imams mentionnaient ce sujet dans les livres de Aqida. Pourquoi ? Pourquoi ? قلنا بعض الأئمة يذكرون هذه المسألة المسح الخفين في كتب الاعتقاد لماذا؟ لأنه هو مسألة فقهية ليس كذلك؟ c'est un sujet de fiqh. Mais pourquoi ils le mentionnent dans les livres de aqida de croyance? On dit la moitié de la réponse. C'est bien, mais c'est pas ça. Vous rappelez pas, on a parlé la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière? La lisa hada. On a dit parce que Ash-Shi'a, Ar-Rawafid, il voyait que quoi? Il voit qu'il est interdit d'essuyer sur les chaussettes ou les chaussons. Alors pour contredire, parce que ça fait partie des sujets qu'on est en contradiction avec eux, et pour les contredire, pour les réfuter, pour leur répondre, les savants de la sunna ont mentionné ceci dans les kutub de l'i'tiqad. Et on avait même dit que Shia, qu'est-ce qu'ils font quand ils font les ablutions? Ils essuient sur les pieds eux. Chouf, elle... Ouais, non, eux ils prient sur une pierre. Quand ils prient sur une pierre, ils ont tout un tas de croyances. Ainsi, à la fin de la prière, ils ne font pas salam alaikum, ils font comme ça, sur le genou. Vous savez pourquoi? Ils frappent Jibril parce qu'il s'est trompé, il a donné le message à Mohammed au lieu de donner à Ali. A'oudhu billah. Ash-Shi'a, mes frères, on en parle souvent, et on devrait faire un cours spécifique sur eux. Ne croyez pas sur nos frères, ils ont des petites erreurs, on s'excuse sur quoi on n'est pas d'accord et on se réunit sur quoi on est d'accord. Non, sachez que vous êtes les premiers ennemis des Shia en tant que sunnis. et qu'ils nous détestent, et on les déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour leur égarement et leur mensonge et leur shirk et leur kufr qu'ils ont fait dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'ils ont détesté, qu'ils ont rendu mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont insulté notre mère Aïcha de prostituée, a'oudhu billah, qabbahumullah. Ah, si on part sur les chi'as là, faites attention parce qu'ils viennent en Afrique maintenant. Les chi'as, ils viennent en Afrique avec leur argent, construisent des hôpitaux, construisent des mosquées, construisent des écoles, hein. Et ils veulent quoi? Ils veulent propager leur venin, leur propager leurs fausses croyances, hein. Ils invitent des élèves à venir en Iran à apprendre, hein. Ils leur donnent de l'argent, des voitures, ils les marient avec des femmes pour laver leur cerveau, et après ils retournent, hein, et ils font leur propagande. Subhanallah, au Nigeria, on voit des fois des vidéos au Nigeria, hein, les chiites, ils ont envahi, hein, certaines contrées, certains villages, subhanallah, tous des chiites. Ils insultent Abu Bakr, ils insultent Omar, ils dansent, ils se frappent le jour de Ashura, hein, ils se frappent avec des chaînes, avec des lames de rasoir, etc. Ces gens-là sont très dangereux. Il y a, qu'on fait attention, si vous voyez quelqu'un qui insulte les compagnons, faites très attention. Si quelqu'un parle sur les compagnons, faites très attention. Et ça, c'est un parmi les égarements. Ils ont beaucoup d'égarements. Al-Muhim, c'est pas le but du cours. On continue donc. Et là, le chien nous dit donc que le fait d'essuyer sur les chaussettes, hein, ça fait partie de la religion. Walakin labud min shurut li jawaz il mashi al khuffayn. Mais pour passer sur les chaussettes, les chaussons, hein, ou les chaussures, on a dit que le khouf, c'est tout ce qui englobe le pied, tout ce qui tient et qui porte au pied. Que ce soit en cuir, en coton, en nylon, n'importe quelle matière. Mais il y a des conditions pour pouvoir essuyer dessus. Ash-shartu al-awwal an yalbasahuma 'ala at-tahara. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين طاهرتين ومسح عليهما. Première condition, il faut que lorsque tu mets tes chaussettes ou tes chaussures ou tes chaussons, hein, tu sois en état de pureté. T'as tes ablutions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'El Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu a voulu enlever les chaussettes ou les chaussons du prophète pour qu'il nettoie ses pieds pendant les ablutions, il a dit laisse-les, car je les ai enfilées ou je les ai mises et j'étais en état de pureté. Et ensuite il a passé dessus, il a essuyé dessus. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق. Écoutez bien. Il n'y a pas de différence que ça soit en état de pureté, c'est-à-dire que tu as lavé tes pieds, tu as fait tes ablutions, tu as lavé tes pieds, ou alors que tu as passé sur des chaussettes que tu avais déjà mis avant. C'est-à-dire, tu fais tes ablutions, tu laves tes pieds, parce que hein, tu t'es réveillé le matin, tu laves tes pieds, tu mets tes chaussettes, taïb. Ensuite, tu perds tes ablutions, tu refais les ablutions. Là, tu peux passer sur tes chaussettes, n'est-ce pas? Parce que tu les as mis quand tu étais en état de pureté. Jusqu'à là, vous êtes d'accord, taïb. Si je remets une paire de chaussettes par-dessus, une deuxième chaussette, hein, si je veux pouvoir passer dessus, je dois les remettre, la deuxième, alors que je suis en état de pureté. Hein? J'ai toujours mes ablutions. D'accord? Je ne les ai pas perdues. Vous comprenez? Donc j'ai des chaussettes. J'ai fait les ablutions. Je suis passé dessus. Je remets une deuxième paire. Là, je peux repasser après sur la deuxième paire. Mais si j'ai passé sur mes chaussettes, j'ai perdu mes ablutions, je remets des chaussettes, est-ce que je peux passer sur les deuxièmes? Non. On va voir. Il va donner l'exemple, les chers, Inch'Allah. Isma'ou. فمثلا لو توضى وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب يعني الشراب او الخفين فهنا لبسهما على طهاره. Donc par exemple, Il a fait ses ablutions complètes. Il a lavé ses pieds. Ensuite, il a mis ses chaussettes. Hein? Donc, il les a mis en état de pureté. Parce qu'il vient juste de se laver les pieds dans les ablutions. Là, c'est clair. Cette image, elle est claire. Cette situation, tout le monde la comprend. Fais une tour. Oui. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسع عليهما ثم احتاج الى زياده جورب ولبسه على الجورب الاول الذي مسحه وهو على الطهاره فانه يمسح على ثاني. فهمت؟ ما فهمت؟ أعيد الكلام؟ أعيد. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما، طيب واضح؟ ثم احتاج إلى زيادة جورب، يعني ثاني جورب ثاني، ولبسه على الجورب الأول، الذي مسحه وهو على الطهارة فإنه يمسح على الثاني. يجوز أن تمسح على الثاني لأنك لبستها على الطهارة. Par exemple, le deuxième cas de figure, j'ai porté des chaussettes, d'accord, et j'ai essuyé dessus parce que j'étais en état de pureté. Ensuite, j'ai eu besoin de mettre une deuxième paire de chaussettes. D'accord ? Alors, je les ai mis par-dessus celles que j'ai déjà essuyées dessus. D'accord ? Et quand j'ai essuyé dessus, j'étais pur. J'étais à la tahara. Donc, je peux essuyer sur les deuxièmes paires de chaussettes. D'accord ? Jusqu'ici, tout le monde sait wadih. Hein ? Tayyib. Lakin yakunu ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني هذا هو قول الصحيح. Parce que pour essuyer sur les chaussettes, il y a un temps, comme on va le voir. Un jour et une nuit pour le résident, trois jours et trois nuits pour le voyageur. Mais si j'ai mis une deuxième paire de chaussettes, à partir de quand je comptabilise le temps que je peux essuyer sur les chaussettes? Vous avez compris le sujet? Vous avez compris la question? T'as compris? Sûr? Taïeb. On va juste revenir au asl. Je veux que tout le monde comprenne. Même si c'est vrai que c'est cool de regarder le Salihin, mais le Shir, il le mentionne là, le Shir al-Thaymin, il n'y a pas de mal. Je me lève le matin, avant le Fajr. Je fais mes ablutions, je lave mes pieds. Wadih. Je mets mes chaussettes. Je suis en état de pureté, oui ou non? Alhamdulillah. Je prie le Fajr. Après le Fajr, je perds mes ablutions. D'accord? J'attends jusqu'au Dhuhr. Au Dhuhr, je fais mes ablutions. Et là, je passe sur mes chaussettes. C'est permis ou pas? C'est permis. Tayyib. Ensuite, je prie le Dhuhr. Avant l'Asar, on va dire en temps normal, à partir de quand ou jusqu'à quand je peux essuyer sur mes chaussettes? Si je suis en résident, un jour et une nuit. D'accord? À partir de quand? À partir que j'ai fait les ablutions en lavant mes pieds? À partir que j'ai mis mes chaussettes? À partir que j'ai essuyé dessus? À partir que j'ai perdu les ablutions? À partir de quand? À partir du moment où j'ai essuyé mes chaussettes. Dans notre exemple, c'est à quel moment? Avant Dhuhr. C'est-à-dire que jusqu'au lendemain, avant Dhuhr, je peux essuyer sur mes chaussettes. Clair? Clair. Maintenant, après Dhuhr ou avant l'Asar, je mets une deuxième paire de chaussettes. Je suis en état de pureté, je n'ai pas perdu les ablutions. Je mets une deuxième paire de chaussettes. D'accord? Je perds... Du même jour. Le premier jour. Je perds je mets une deuxième paire de chaussettes avant l'Asar. Je prie l'Asar. Après, je perds les ablutions. Fahimtoum? Jusqu'à quand je peux essuyer sur la deuxième paire de chaussettes? Dhuhr ou Asar? Lui, il dit Dhuhr. Et toi? Moi, je sais pas. Tayyib. Hassan, il a dit le shir au Dhuhr. C'est-à-dire l'essuyage des premières chaussettes qui était avant Dhuhr. Donc on a le droit d'essuyer sur les deuxièmes chaussettes si on les a mis alors qu'on était pur, mais par contre, on ne comptabilise pas l'essuyage des deuxièmes chaussettes pour le temps, mais on comptabilise les premières chaussettes. Fahimtoum? Taïm. Ça, c'est aussi pour, par exemple, la première chaussette, là. Si je mets la première chaussette, c'est valable aussi pour les chaussures. Non. Non, c'est valable pour les chaussures tant que les chaussures répondent aux conditions, hein, des roufs. C'est-à-dire qu'il n'est pas, ne soit pas impur, qu'il n'y ait pas d'impureté dessus, qu'elle recouvre les chevilles. D'accord? Qu'elle recouvre les chevilles. D'accord? Donc il faut que les chaussures recouvrent les chevilles. Si ça recouvre les chevilles, mais c'est du coton, l'eau passe à travers, c'est bon quand même. Ouais, il y a pas, c'est au pied, c'est considéré comme rouf, hein? S'il y a des trous, hein, il n'y a aucun problème. Les salaf salih, hein, ils mentionnent que les sahaba étaient pauvres. Ils avaient des chaussettes qui tenaient à peine à leurs pieds. Malgré ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pas dit attention, essuyez sur les chaussettes, mais à part s'il y a des trous, vous essuyez pas. Non. Il leur a pas dit ça. Il a dit essuyez sur les chaussettes. Non, ben, il n'y a pas donné de restriction. Si, hein, si il y avait une restriction, le prophète l'aurait clarifié obligatoirement. Et les sahaba ont essuyé sur les chaussettes. Hein, et les paroles de Hassan al-Basri et autres parmi les salafus salih sur le sujet sont claires sur la permission d'essuyer les chaussettes qui ont des trous où l'eau elle passe par exemple à l'intérieur. Innahu idha labisa khuffan ala khuffin mamsouh fa innahu yamsa ala al-a'la lakin yabni ala mudda ala mudda til mas' ala al-awwal comme on a dit. On a dit s'il porte une paire de chaussettes ou de chaussons sur des chaussons qui ont déjà été essuyées ou des chaussettes qui ont déjà été essuyées, alors il essuie sur celles qui sont le plus hautes, hein, c'est-à-dire la deuxième que tu perds, que tu portes, hein. Mais il se base sur le temps de l'essuyage de la première chaussette. Ça c'est la vie de Cheikh Al-Uthaymeen, d'accord? Wala budda an takuna at-tahara bil-ma. Fa law labisahuma 'ala taharati at-tayammum fa innahu la yamsahu 'alayhima. Mithlu rajulin مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل فإن التيمم يتعلق بعدوين فقط وهما الوجه والكفان. Il dit par contre attention, il est obligatoire que ça soit une purification avec l'eau. Donc s'il a porté les chaussettes ou les chaussons et il était pur par le tayammum, le fait de faire le tayammum avec la terre ou la pierre ou le sable, hein, alors il ne peut pas essuyer sur ses chaussettes. Par exemple, un homme qui est en voyage, il n'a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'a pas d'eau. Il a fait le tayammum, hein, hein, feu comme ça, hop, hop, hop, tayammum. On en parlera dans le cours de fiqh. Et ensuite, il a porté ses chaussettes en état de pureté, mais en état de pureté avec le tayammum, pas avec l'eau. Puis ensuite, il trouve l'eau et il veut faire les ablutions. Alors ici, il est obligatoire d'enlever les chaussettes et de laver ses pieds pour le wudu, car il n'est pas permis d'essuyer sur les chaussettes dans cette situation-là, hein? Car il n'a pas porté les chaussettes, hein, alors qu'il était pur, hein, et qu'il a lavé ses pieds avec de l'eau. Donc le tayammum, hein, c'est en rapport avec deux membres, c'est tout, le visage et les mains. فهمتم؟ Ça c'est la première condition. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولهذا قال صفوان بن عسال إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس بل لا بد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأسخال يمسح لكن الجنابة طهارتها أوكد وحدثها أكبر فلا بد من الغسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك. Deuxième condition, c'est qu'il essuie sur les chaussettes ou les chaussons ou les chaussures uniquement pour l'impureté mineure. Hein? Aller aux toilettes, avoir un gaz, dormir, manger la viande de chameau. On a vu hein, dans les cours de fiqh ce qui annule les ablutions. Hein? Car Safwan ibn Assal, radiallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit sauf pour l'état de janaba, c'est-à-dire de grande impureté. Mais pour hein, le fait de déféquer ou d'uriner ou de dormir, ça c'est permis. Mais pour le grand janaba, non. Donc la personne qui est en état de grande impureté, lorsque le mani est sorti par exemple, hein, ou la femme elle est sortie de ses menstrues, il ne lui est pas permis d'essuyer sur ses chaussettes ou sur ses chaussons. Hein. Il est obligatoire qu'il les enlève et qu'il lave ses pieds. Car la grande purification, hein, il n'est pas permis d'essuyer. Quand on dit mas, c'est le fait de passer les mains mouillées, que ce soit sur la tête ou sur les chaussettes. Hein, c'est le mas. Wal rous, c'est quoi? Le fait de mouiller. Hein. Yanni, le fait de mettre de l'eau. Excepté, il nous dit ici, en cas de force majeure, par exemple, pour un plâtre. Si tu as un plâtre, est en état de grande impureté, tu n'as pas le choix que d'essuyer dessus. Tu ne peux pas faire autrement. Le plâtre, tu ne peux pas l'enlever. Pour le, hein? Donc là, c'est une exception que la législation a permis. Mais autrement, il n'est pas permis d'essuyer pendant la grande purification. C'est pour ça qu'il y a une grande purification. On ne passe pas l'eau mouillée sur les mains. On ne passe pas les mains mouillées sur la tête. Mais plutôt, on doit laver la tête. Hein, la grande ablution, on met de l'eau dans la tête, on fait pénétrer l'eau dans les racines des cheveux. Hein, et on ne se contente pas de faire comme ça. D'accord? Car hein, le fait de passer les mains mouillées, c'est seulement pour la petite purification, hein, pour le wudu. Mais la grande purification, on doit laver. Et donc, lorsqu'on est en grande impureté, on ne peut pas essuyer sur les chaussettes, on doit les enlever. Fahimtoum? الشرط الثالث et ça c'est le hadith qui a mentionné Safwan ibn Assal. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. Troisième condition, que l'essuyage se fait dans le temps qui a été délimité par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour et une nuit pour le résident, trois jours et trois nuits pour le voyageur. Comme ceci a été authentifié hein, dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, hein, dans Sahih Muslim, hein, où Ali dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné trois jours et trois nuits pour le voyageur, un jour et une nuit pour le résident, c'est-à-dire le fait de passer sur les chaussettes. فَإِذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةَ فَلَا مَسْحَ لَا بُدَّ أَنْ يَخْلُعَ الْجَوْرَبَيْنَ أو الخفين ثم يغسل القدمين ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك فاستمر على طهارتك لا تنتقد الطهارة ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. Il dit, mais si le temps termine, alors tu ne dois plus essuyer. Tu es obligé d'enlever tes chaussettes ou tes chaussons ou tes chaussures. Ensuite, tu laves tes pieds. Cependant, si le temps termine et tu es toujours en état de pureté, tu continues sur ton état de pureté. Notre exemple de tout à l'heure. On a dit, le lendemain, au dhuhr, on ne peut plus passer sur les chaussettes, n'est-ce pas? Mais si je suis en état d'impureté, est-ce que je dois obligatoirement refaire les ablutions? Non, je peux continuer jusqu'au Isha si je ne perds pas les ablutions. J'ai les mêmes ablutions jusqu'au Isha. Mais par contre, si je perds les ablutions, alors là, je suis obligé d'enlever les chaussettes. Fahimtoum ? Hein ? Taïm. ثم إن زر ابن حبيش سأل صفوان بن عسال هل سمع من نبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى شيئا الهوى المحبة والميل فقال نعم ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوري عفوا جهوري الصوت فجاء ينادي يا محمد بصوت مرتفع. Ensuite, Zir ibn Hubaysh, rahimahullah ta'ala, il a demandé à Safwan ibn Assal, radiallahu anhu, est-ce qu'il a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam mentionner quelque chose sur al-hawa. Ici, al-hawa, ça veut dire al-mahabba ou al-mail, l'amour ou le désir à quelque chose. Il lui a dit oui, il lui a mentionné l'histoire de ce bédouin qui a élevé sa voix lorsqu'il a appelé, il est venu, il a appelé, il a dit Ya Muhammad, avec une voix haute et forte. فقيل له ويحك تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرا لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم. Et donc on lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu appelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec une voix haute. Et Allah azza wa jalla mentionne dans le Coran au sens approché, ô vous qui croyez, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du message du prophète. Hein, et ne haussez pas le ton avec vos paroles comme vous le haussez entre vous. Hein? Alors, qui amènera que vos œuvres soient vaines sans que vous le ressentez. Hein? Mais les Bédouins, ils ne connaissent pas beaucoup le bon comportement. Pourquoi? Parce qu'ils habitent loin des villes. Ils habitent loin des de la science. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع كما سأل الأعرابي لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما خاطبه به قال له الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يعني يحب القوم ولكن عمله دون عملهم لا يساويهم في العمل مع من يكون أيكون معهم أو لا. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en haussant la voix aussi lorsqu'il lui a, le bédouin lui a demandé, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus parfaite, la plus complète en termes de guidance, hein, et il donnait à chaque personne, hein, de la où il se comportait avec chaque personne de la manière que, hein, que le haq, que la que, comment on dit, hein, que la raison, que la raison de la personne avec qui il avait en face, hein, pouvait supporter, d'accord. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait, hein, aux gens comme les gens s'adressaient à lui sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ceci était plus complet et plus parfait pour la guidance. Et donc le bédouin lui a dit, l'individu qui aime des gens mais qui n'arrive pas, yani, hein, il n'arrive pas, ou il arrive, ses œuvres n'arrivent pas au degré des œuvres de ceux-là. Ils sont pas égaux, les autres sont meilleurs en œuvre. Alors avec qui il va être? Est-ce qu'il va être avec eux ou non? Il demande cette question. Al-Adhan. La barre de l'Adhan, inshallah. On essaie de terminer très rapidement ce hadith. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة نعمة عظيمة ولله الحمد. وقد روى أنس ابن مالك رضي الله عنه اسمعوا يا إخوة هذه القطعة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل يحب الله ورسوله إنك مع من أحببته قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم الله أكبر. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'individu est avec celui qu'il aime, yawm al-qiyama. C'est un bienfait extraordinaire, ya ikhwa. Walillahi alhamd. Il est rapporté de Anas ibn Malik, hein, ce morceau du hadith, qu'un homme a dit, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui aimait Allah et son messager, il a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Et Anas a rajouté à ce hadith, quant à moi, j'aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Abu Bakr et j'aime Omar, et j'espère être avec eux, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, muttafaqun alayh. وهكذا ايضا نحن نشهد الله عز وجل على محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته وائمه الهدى من بعدهم ونسال الله ان يجعلنا معهم. Et nous également, hein, nous attestons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de notre amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour les califes bien guidés Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman et Ali, ainsi que tous les compagnons, ainsi que les savants et les imams de la guidée qui sont venus après eux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre avec eux, hein. Wa hadhi bushra lil insan annahu idha ahabba qawman sara ma'hum in qasura bihi 'amaluhu. Hein, et ça c'est une grande nouvelle, c'est une bonne annonce pour l'individu. Il est avec les gens qu'il aime, hein, même si ses œuvres sont moindres qu'eux. Jamais on atteindra les œuvres du prophète ou les œuvres d'Abou Bakr, mais si on les aime d'un amour sincère, alors on sera avec eux yawm al-qiyama. Allahu akbar. ويكون معهم في الجنة ويجمعه الله معهم في الحشر يشربون من حوض الرسول جميعا وهكذا. Et donc, ils seront avec eux au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala les regroupera tous ensemble. Ainsi que le moment de la résurrection, ils boiront ensemble dans le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle, mes frères, que yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un bassin. Son eau est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel. Sa longueur est la distance d'un mois de marche, ainsi que sa largeur. Autour, il y a des récipients plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Celui qui boira une gorgée de ce bassin n'aura plus jamais soif. Mais ce bassin est réservé pour ceux qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ceux qui ont innové dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam essaieront de boire dans ce bassin, mais les anges les empêcheront de boire dedans. Na'oudhu billah min dhalik. Naktafi bihada. Il reste un petit paragraphe. Inch'Allah, on fera la prochaine fois. Bi'idhnillah. Fajazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.